L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Un vide-grenier et une vente solidaire est organisée ce samedi 24 mai à Oudemont au profit de l'association Malep. Et la veille, il y aura une soirée montée des marches, un défilé au profit des personnes malvoyantes et non-voyantes. Ingrid Biana, bonjour. Bonjour monsieur. Dites-nous un peu, c'est quoi l'histoire de cette association Malep? Depuis quand existe cette association? L'association Malep existe depuis 2021 et c'est une aventure à la fois familiale, amicale. Il part d'un vécu. Ma mère est non-voyante, on a des protégés qui sont aveugles et on s'est dit qu'il fallait aider ceux qui sont aveugles dans les pays qui n'ont pas et qui ne bénéficient pas de tous les avantages de ceux qui sont ici présents. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place pour aider ces personnes? On s'autofinance jusqu'à présent. Donc, on organise des vides-greniers, justement, chaque année, avec notre sponsor majeur qui est Shop & Compagnie. Et à l'issue des vides-maisons, on arrive à vendre donc ce que les familles nous cèdent. Et grâce donc aux bénéfices de ces ventes-là, on achète les cannes donc, auprès des non-voyants, je tiens à le préciser, de les aides de Liverdin, des Eaux Bleues, qui sont les seuls en France à fabriquer des cannes blanches. Et ces cannes, une fois qu'on les achète, sont envoyées aux aveugles en Afrique, qui sont malheureusement dans le dénuement. Voilà notre démarche, notre cercle vertueux. Ce rendez-vous de vide-grenier, de vente solidaire va avoir lieu ce samedi 24 mai. Mais je le disais en introduction, la veille, vous organisez une soirée montée des marches. C'est exact, qui a lieu donc à Shop & Compagnie. Ça va être la 4e édition. Notre sponsor organise donc la montée des marches. On peut y participer et lors de cette soirée, il prend 1 euro sur chaque boisson vendue. Et il y a une remise de chèque donc à l'issue donc de cette journée-là. La dernière en date, on a eu un chèque de 500 euros grâce à cette soirée-là. 500 euros, c'est 10 cannes, parce qu'une canne, c'est minimum 50 euros, donc à l'ESA de Verda. Ce samedi, bien sûr, l'autre temps fort, ce vide-grenier, vous attendez beaucoup de monde? En règle générale, oui, il y a du monde qui passe, hein, et c'est surtout qu'il y a beaucoup de choses, il faut venir, parce que vraiment, on a un panel d'articles, ça va à l'art, aux livres, aux bibelots, à la vaisselle, au mobilier, du matériel professionnel, enfin vraiment, il y a de tout. Hein. Et des vêtements, bien entendu. Et des vêtements, effectivement. Donc ça se situe donc à Shop & Compagnie, c'est au 6 rue des Érables à Oudemont, c'est de 10h à 18h. La première fois que vous avez pu transmettre et donner ces cannes à des personnes au Cameroun notamment, comment ça s'est passé? Bah écoutez, c'était en octobre dernier, c'était un moment tant et si fort que, voilà, on invite à chacun à pouvoir le faire une fois dans sa vie. On a pu effectivement, grâce à l'association qui s'appelle Ici Là-Bas, qui est donc une association de non-voyants avec laquelle on travaille, donc pu remettre donc des cannes aussi bien à des élèves qu'à des adultes. Et c'était un vrai moment de bonheur. Hein, une centaine de personnes à peu près, voilà comment s'est passée notre première remise. Et donc là, c'est le temps fort de votre association. Vous avez d'autres événements au cours d'une année, l'association Malep? Oui, alors, outre donc les différentes brocantes auxquelles on participe, on fait également ce qu'on appelle un acte éco-responsable, c'est-à-dire qu'on récupère toutes les canettes, notamment à Shop & Compagnie, et on les broie grâce à une machine qui a été conçue justement par le responsable informatique de notre association. Et ça nous permet donc également de pouvoir gagner de l'argent grâce à cette récupération donc de matériel. Alors, si des auditeurs nous écoutent et découvrent votre association, comment on peut vous retrouver, notamment sur Internet, et vous aider éventuellement? Il suffit déjà de nous appeler ou alors via notre adresse mail, qui est associationmalep.com. Et voilà, après, on reprend contact avec la personne. On mettra aussi le numéro de téléphone en lien avec le podcast sur le site Internet. Et puis, on peut bien sûr vous rencontrer dès ce samedi 24 mai. Absolument. Donc, entre 9h30 et 18h, c'est ça? Entre 9h30 et 18h, voilà. Eh bien, rendez-vous au 6 rue des Érables à Oudemont. Je vous laisse le mot de la fin pour donner envie aux gens de venir ce samedi. J'invite chacun et chacune à venir faire un petit tour donc, à notre vide-grenier. Et déjà la veille, au défilé, parce qu'il y aura 12 voire 15 miss qui vont défiler pour la bonne cause. Et ça apportera une petite lueur donc, au monde donc, des non-voyants et des malvoyants. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.